te connaîtrai une nuit petite sous un ciel plein de satellites. J'aurai des cheveux en queue de cheval. Tu me prendras dans tes bras, cette clé de métal. Tu seras l'homme et moi la femme. Ce sera la mutation. Tu m'embrasseras longuement, petite, sous le ciel plein de satellites. Tu me diras, viens, j'ai envie de toi. Je te répondrai, je ne suis pas celui que tu crois. Tu seras l'homme et moi la femme, ce sera la mutation. Je me dégagerai de tes bras, petite, sous le ciel plein de satellites. Je remettrai en place ma queue de cheval et le drapé de ma tunique virginale. Tu seras l'homme et moi la femme, ce sera la mutation. Alors tu me baratineras, quelle joie! Tu me conteras fleurette, quelle fête! Tu me feras des déclarations passionnées, quel pied! Je te connaîtrai une nuit petite sous un ciel plein de satellites. J'aurai des cheveux en queue de cheval. Tu me reprendras dans tes bras cerclés de métal. Tu seras l'homme et moi la femme. Ce sera la mutation. Et tu arriveras à tes fins, petite, sous le ciel plein de satellites. Tu dénoueras ma queue de cheval, le drapé de ma tunique virginale. Et tu me feras un enfant, petite, sous le ciel plein de satellites. Et 9 mois après tu m'abandonneras en me laissant notre fils sur les bras. Et je dirai à notre fils, petite, sous le ciel plein de satellites, mon pauvre enfant, elles nous ont eus, mais dans 100 000 ans et s'il le faut un peu plus, viendra patience, notre revanche, ce sera la mutation.